d'avril, une fille couverte d'un fil, belle à l'anguille sur la plage, s'étalait en double page, cruelle en cette fin d'hiver, pour la blancheur de mes chairs. Je m'étais alors juré de ne plus jamais t'acheter, mais une top à l'air adieu, posant dans le camailleux d'une infinité de bleu, m'a fixé droit dans les yeux. Marie, Marie Claire, invite-moi à découvrir les joies du savoir mincir. Marie, Marie Claire, livre à tes fidèles lectrices tes secrets, tes artifices. Tes conseils je les suivrai, oui je te ressemblerai. Pas de jaune dans mes omelettes, pas d'huile dans ma mayonnaise, pectine de pomme en rosette, de l'aspartame sur mes fraises. Il suffisait d'y penser, grignoter avant le dîner, apprendre à se dégoûter de l'apéritif feuilleté, sucer des pastilles menthol, transpirant le sorbitol. Marie, Marie Claire, comme sur ton papier glacé, je veux une silhouette élancée. Crois-tu que tu me libères du regard qu'on pose sur moi, de l'image que j'ai de moi. Marie, Marie Claire, livre à tes fidèles lectrices tes secrets, tes artifices. Crois-tu que tu me libères ou bien que tu emprisonnes mes fantasmes d'Amazon. Quelle pénitence, quel effort faut-il que je m'inflige pour imprimer à mon corps ta silhouette de coton-tige. Un régime sans se priver, oui tu m'en as fait rêver. Tes substituts de repas, tes plaisirs édulcorés qu'on ne peut pas savourer, je ne les essaierai pas. Marie, Marie Claire, comme sur ton papier glacé, je veux une silhouette élancée. Crois-tu que tu me libères ou bien que tu emprisonnes mes fantasmes d'Amazon. Marie, Marie Claire, tes recettes sont éventées, ton bonheur est frelaté. Tu le sais, Marie Claire, on ne devient pas Mélusine en feuilletant un magazine.